Cette émission vous est présentée par Avatar, centre d'artistes spécialisé dans la recherche, la création et la diffusion d'art audio et électronique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de La Croche-Oreille. C'est Gaétan Gosselin et Jean-Pierre Gay avec vous ce soir. Salut Gaétan. Salut Jean-Pierre. Alors, petite soirée où il faut s'ajuster avec les nouvelles réalités technologiques. On a, évidemment, comme toute radio communautaire, il nous arrive parfois d'avoir des petits pépins, donc, mais ça ne me paraîtra pas trop en onde. Alors, ce soir, Gaétan, on a deux entrevues à vous présenter. D'abord, Fabien Maheu, que tu as eu le plaisir de rencontrer toi-même chez Rhizome. Chez Rhizome, l'automne dernier. OK. Et en deuxième demi-heure, nous aurons un duo d'artistes qui était dans le cadre du Mois Multi, dans ce parc Saint-Roch qu'on appelle l'eau du bain, ouais. La petite cabane de poissons qu'il y avait dans ce site-là. Et eux ont créé une œuvre dont on parlera en deuxième demi-heure. Mais pour commencer, on y va avec Fabien Maheu. Fabien Maheu du collectif Animoplex. Oui, collectif qui est formé alors de Fabien Maheu, évidemment, et de sa collègue Éléonora Weber, mm-hmm. qui était à Québec avec lui cet automne, venu en résidence chez Rhizome. J'en profite pour parler un peu de Rhizome, qui est un collectif d'artistes, d'écrivains, qui anime un collectif de création, de production, on pourrait dire carrément multidisciplinaire, mm-hmm. mais avec la matière littéraire comme matière première. Alors, Rhizome accueille des artistes en résidence, produit des œuvres, spectacles littéraires, des œuvres littéraires au sens le plus original du terme, je dirais mm-hmm. ça comme ça, organise des événements ou encore participe à des événements. Donc, on les a vus. Comme ces temps-ci. Dans le cadre du mois de la poésie. Et voilà, dans le mois de la poésie, c'est Rhizome qui est au cœur de ce projet. Oui, exactement. Une activité qui tournait autour de Bernard Hetzek, qui était présenté mm-hmm. ces deux derniers jours. Donc, du 15 novembre au 13 décembre 2015, il y a déjà une couple de mois, Rhizome accueillait Fabien Maheu dans le cadre d'une résidence, tous les deux venus travailler sur un projet filmique, une narration qui a comme matière première une narration filmique à partir de laquelle ils sont venus travailler des éléments de musique fixée, enregistrée, ainsi que de la musique proprement dite, jouée en temps réel, mm-hmm. et agrémentée ou encore accompagnée, tout ça de poésie sonore. Fabien Maheu est un metteur en scène, un performeur, un sémiologue, je dirais, dans sa vie d'universitaire mm-hmm. en tant que tel. Et un bonhomme qui est assez articulé sur le plan artistique, sur le plan intellectuel aussi. Une rencontre qui a été extrêmement sympathique, un peu une rencontre à la volée, parce que on s'est croisé à la conférence de presse du Mois Multi. Il était présent et on en a profité pour entendre parler de son travail. Fabien Maheu, bonsoir, bonjour, je devrais dire, parce qu'on est en pleine journée dans les locaux de Rhizome. Fabien, c'est votre premier séjour à Québec? Non, c'est mon cinquième séjour. Je commence à connaître, oui. Bon, oui. Et vous avez travaillé à Québec là, avec des organisations artistiques ou pour d'autres finalités? La première fois que je suis venu à 5 ans, c'était une invitation au Printemps des Poètes. Et puis, je suis revenu à chaque fois pour montrer quelque chose. Et puis, à chaque fois, ça s'est très bien passé. Mmh. Mais c'est la première fois que je viens pour un temps un peu plus long. Ouais. Cette fois-ci, c'est pour un mois. Habituellement, c'est plus court. Donc là, vous êtes ici dans le cadre d'une résidence à Rhizome. Ouais. C'est bien. Fabien, j'étais un peu curieux. Je regardais le travail que vous avez accompli ces dernières années. Je voyais que vous étiez docteur en sémiologie et je me demandais comment se fait le passage ou l'arrimage de ces deux métiers ou de ces deux visions du monde. Donc, comment le docteur en sémiologie est devenu artiste, performeur, vidéaste? En fait, je suis devenu sémiologue par mes études universitaires, mais à côté de ça, je faisais déjà du théâtre. Moi, j'ai commencé vraiment en faisant beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de théâtre. J'étais passionné par la pratique du théâtre. Et en fait, on peut expliquer mon trajet assez simplement. C'est-à-dire que je suis tombé amoureux d'un réalisateur britannique qui s'appelle Peter Greenaway, qui m'a profondément marqué. C'est sur Peter Greenaway que j'ai fait ma thèse, en fait. Et mon travail de sémiologie, c'est essentiellement autour de son approche à lui de l'histoire de l'art. Après, les choses se sont faites assez simplement, c'est-à-dire que oui, bon, on est docteur, mais ça change rien. Il faut quand même, d'une part, faut manger, donc on fait complètement autre chose pour manger. Et puis, d'autre part, on a toujours sa passion pour les arts de la scène, pour la vidéo, puisque j'ai aussi travaillé dans des boîtes de production vidéo. Et puis, il y a eu cette rencontre aussi avec Bernard Etzig que j'ai vu en France performer quand il était en forme. Il y a de ça. Enfin, moi, j'étais tout jeune homme, hein, et je suis tombé complètement à la renverse devant ce type et ce qu'il faisait. Donc voilà, les choses se sont combinées les unes avec les autres, le théâtre, les images avec le travail de Peter Greenaway, la poésie sonore que j'ai découverte dans un premier temps avec Bernard Etzig, et c'est ce qui a fait, c'est cette espèce de synthèse-là qui fait la substance de ce que moi j'essaye de faire maintenant, quoi. Quand je pense que quelques rares cellules seules, copines cérébrales de ma fichue fissure du Rolando, là-haut, dans sa partie articule l'automatisme et le tricotage de mes jambes. Bigre. Fichtre. Bigre. Quand je pense que quelques rares cellules seules. Quand je copine cérébrale. De ma fichue scissure de Rolando, là-haut. Dans sa partie haute. Articule l'automatisme et le tricotage de mes jambes. De ma fichue scissure de Rolando. Quand je pense que quelques rares cellules seules. Copine cérébrale. De ma fichue scissure du Rolando, là-haut, dans sa partie haute, articule l'automatisme et le tricotage de mes jambes. Fichtre, bigre. Quand je pense quelques rares cellules seules, copines cérébrales, de ma fichue scissure du Rolando, là-haut, de ma fichue scissure du Rolando, articule l'automatisme et le tricotage de mes jambes. Dans sa partie haute, articule. Fiche l'automatisme, quand je et pense le que quelques rares cellules seules, copines et cérébrales, de ma fichue fissure de Rolando, là-haut, quand Fabien, je reviens sur ce lien pratique théâtrale et environnement sonore. Est-ce que c'est quelque chose qui, dès le départ, était un aspect, une préoccupation particulière pour toi, que l'environnement sonore de la scène théâtrale? Ou si c'est quelque chose qui est combiné à l'ensemble de tes préoccupations? Je faisais du théâtre depuis plusieurs années déjà. J'avais déjà commencé à mettre des écrans sur scène, des écrans vidéo, de manière assez artisanale, avec des DVD, enfin c'était vraiment du bricolage. Et j'avais ce fantasme de poésie sonore c'était quelque chose qui me fascinait, mais je connaissais pas très très bien, j'en avais une image assez lointaine. Et puis un jour, il y a eu un appel d'offres pour un festival d'art numérique dans la petite ville de Poitiers en France, où je me suis dit, allez, cette fois-ci je fonce, je fais de la poésie sonore sans même savoir ce que j'allais faire, sans même savoir grand-chose sur la poésie sonore, mais j'avais vu Bernard Etzig, que j'avais cette espèce d'image là qui était au-dessus de ma tête, que je trouvais que c'était un monde extraordinaire. Et en fait, je me suis pas bien aperçu que immédiatement je me suis mis à écrire de la poésie sonore pour la scène. Et que bon, j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec une clarinettiste et avec des écrans vidéo, mais ça s'est fait complètement naturellement. En fait, je n'ai fait que rajouter la composante poésie sonore à ce que je faisais déjà, c'est-à-dire du travail de scène, tout bêtement. Est-ce qu'il y avait pour toi une source d'inspiration particulière dans l'univers de la poésie sonore ou encore est-ce qu'on peut dire qu'on peut te rattacher à un courant de poésie sonore en particulier? Bah plutôt le courant qui continue à utiliser le sens, c'est-à-dire que le lettrisme et l'ultralettrisme, moi j'ai un petit peu du mal, c'est un peu loin de moi, j'ai besoin de me raccrocher un petit peu à du sens, et ce qui m'excite beaucoup, c'est le frottement précisément entre la matérialité du son et le sens produit, ou le sens qui veut produire mais qui n'y arrive pas. Enfin voilà, c'est plutôt ces endroits-là, moi, qui m'intéressent. Donc l'inspiration, ça reste de toute façon alors Bernard Etzig et puis tous les gens qui se sont aussi rapprochés de la scène, puisqu'évidemment il y a un grand mouvement de la poésie sonore en direction de la scène et de la mise en scène. L'art numérique aussi a travaillé ces questions-là très rapidement, puisque les gens se sont retrouvés sur scène avec des ordinateurs, des micros, etc. Ils ont commencé à travailler la voix, le son, etc. Et il y a une espèce comme ça de connivence entre les deux qui se fait naturellement. Donc moi je suis tout naturellement dans ce courant-là. J'y vais demain. Oui. J'y vais demain. Oui. Ou demain j'y vais. Demain j'y vais. Bah. Mais si demain j'y suis pas allé. Bah quoi? J'y vais. demain, j'y suis déjà allé. Ben quoi? Au début, j'étais seul. J'étais stupide. Je n'avais pas la moindre idée de ce qui se passait dans le monde. Au début, j'étais seul. J'étais stupide. J'étais seul. J'ai tout le temps froid. Ben, faut s'habiller. J'ai tout le temps les pieds dans l'eau. Ben, faut mettre des bottes. Tu me manques tellement. Oh, mais à moi aussi, vous me manquez tous les deux. C'est pas pour l'amour. C'est pour le fric. C'est pour la chaleur. Quand l'institutrice... La maîtresse. Quoi encore celle-là? Quand elle te gronde. Elle te tombe dessus. Elle t'humilie. Juste parce que... Enlève tes doigts de ta bouche. Tu vas plus avoir de doigts. Alors que moi... C'est généreux. Heureusement d'ailleurs. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de lui foutre une bonne tangueule à cette grosse femme? Dans mon rêve, un type meurt foudroyé par une boule de wasabi mal dissoute dans la sauce soja de ses sushis. Tiens. Le sushi tue. Expliquez-moi ça. Dans mon rêve, elle me regarde comme si j'étais un idiot. C'est-à-dire... Dehors de tes liquides, je veux brûler. Dehors de tes chairs, je veux être le phénix. Parmi tes cheveux, je veux comme la terre. Parmi tes dents, comme la pierre. Parmi tes yeux. J'ai un grand trou maintenant. Fabien, est-ce que ce travail de poésie sonore est d'une nature, est-ce qu'il y a une particularité dans le travail sonore au sens où, quelle est ta méthodologie, je dirais, de départ? C'est un texte, c'est une idée, c'est une réflexion philosophique? Il n'y a pas d'idéologie, et c'est intéressant que tu poses la question comme ça. Je me sens assez décérébré de ce point de vue-là. J'ai vraiment rien à dire. J'ai vraiment pas d'argumentaire, j'ai pas de provenance philosophique ou idéologique. Ça n'existe pas du tout chez moi. Ça passe de manière totalement inconsciente. Évidemment, il en passe toujours, hein, c'est normal, mais je ne m'occupe pas de ça. J'estime pratiquement que ça ne m'appartient pas à moi. Ça, il y a un matériau qui me vient et que chacun s'approprie, et voilà. Donc là-dessus, je me suis totalement dédouané de ces questions-là. Ce qui pour moi est plus confortable. Donc je me définis plutôt comme vraiment formaliste. Complètement. Le travail, pour moi, la manière de penser, alors je sais pas si c'est ma manière de travailler, parce que ça dépend d'un projet à l'autre, évidemment, on se débrouille, hein, en fonction des possibilités qu'on a, mais j'ai l'impression de travailler de manière complètement tabulaire, sur un tableau, avec des colonnes. C'est-à-dire que j'écris rarement une ligne de texte si j'ai pas une vague idée de la vidéo qui va avec, si j'ai pas une vague idée de la mise en scène, et si j'entends pas déjà des sons et que ça ressemble pas, des fois, un peu à de la musique déjà. Ouais. Les choses se font un petit peu ensemble. Bon, j'ai la chance de composer moi-même un petit peu de la musique, pas de la bonne musique, mais de la musique qui va bien avec ce que je fais. Ouais. Je me suis vraiment intéressé à l'outil informatique très très tôt, et donc j'arrive à me débrouiller, que ce soit pour le monde sur les questions de montage, de fabrication du son. Et puis c'est vrai que c'est tellement pratique aujourd'hui, on peut faire des choses tellement extraordinaires, il y a une telle circulation entre les différents logiciels que c'est tout à fait, ça devient complètement naturel de travailler sur un peu tout en même temps. Donc ma manière de travailler, oui, c'est un peu tout en même temps. Ce qui caractérise cette poésie sonore là, ce qui en ressort, me semble-t-il, alors c'est que d'une part elle est en interactivité avec les machines, il y a une partie des choses qui sont enregistrées, recrachées différemment ailleurs, autrement, etc. Ça c'est sûr, mais l'autre caractéristique c'est que c'est pratiquement une poésie sonore qui peut dans certains cas passer inaperçue parce qu'elle est vraiment intégrée, j'espère, je le souhaite en tout cas, à la mise en scène et souvent à l'histoire. C'est-à-dire que je reste quelqu'un de très narratif bizarrement, même si mes histoires sont pas forcément très pleines de sens. Des fois on se demande bien où ça va et même d'où ça vient. Mais il y a quand même quelque chose qui est très fort, qui est très ancré chez moi, c'est la narrativité. Donc parfois la poésie sonore vient comme ça, mais finalement comme n'importe quoi d'autre, je dirais, parce qu'on conserve ce fil narratif, cette ligne de narration qui reste le centre du travail. Fabien, tu es à Québec pour un travail en résidence. J'aimerais que tu nous parles de ce projet que tu es en train de développer avec la collaboration de Rhizome, mais aussi la Maison de la littérature qui est un partenaire. J'aimerais t'entendre sur ce projet qui va être présenté là, dans les prochains jours, je pense. Qui va être présenté vendredi prochain à la Maison de la littérature à 20h. C'est un travail qui, contrairement à tout ce que j'ai fait pour l'instant, d'abord qui est une collaboration complète. Je travaille avec une artiste qui est à la fois peintre et performeuse, je ne sais pas si le mot se dit, qui s'appelle Eleonora Weber. Et on a tous les deux travaillé sur l'écriture à la fois visuelle et narrative d'un film. Et on est vraiment parti là-dessus. On fait un film, sachant que le résultat final ne serait probablement pas un film, évidemment. Donc on a, pendant ces trois semaines qui se sont écoulées ici à Québec, tourné des plans qui possiblement s'agencent de manière narrative avec des moments très surréalistes, des moments de rêve, des moments comme ça un petit peu hors histoire. L'histoire ne veut pas dire grand-chose, elle ne va pas nous emmener très loin non plus, hein, c'est pas la question. Mais les épisodes sont rigolos, il y a une succession, il y a des situations un peu étranges, etc. Partant de ce, là on est en train d'effectuer un prémontage, évidemment il y a du travail de post-production qu'on va pas faire maintenant, et on montrera vendredi soir un prémontage de là où on en sera, quoi, en gros. Et à partir de là, le travail qui va suivre, ça va être un travail de continuation d'écriture. On va encore écrire, on va travailler sur la musique, et l'idée, c'est de fabriquer un objet qui soit entre le ciné-concert et la poésie sonore. C'est-à-dire qu'il y aura probablement un ou deux musiciens sur scène, et il y aura de la performance sonore en direct avec les images agencées. Ce qui revient à peu près à ce que j'ai l'habitude de faire, sauf que cette fois-ci, on l'a fait un petit peu à l'envers. C'est-à-dire que généralement, il y a plutôt une architecture dramatique, une histoire qui est écrite, et puis la poésie sonore en est généralement le squelette, et puis les images viennent, et puis la musique vient. Là, c'est un peu l'inverse. On s'est jeté dans un film pour des raisons esthétiques. On avait des envies d'images, et on va faire le travail inverse. C'est-à-dire qu'on va maintenant le restructurer et écrire un texte qui va pouvoir se dire de manière poétique sur scène. Alors, on peut penser qu'il y ait éventuellement une trace sonore de ce travail Absolument. En cours. Au bénéfice des auditeurs, c'est qu'on est en décembre, alors que notre émission est prévue pour l'hiver. Les projets à venir, Fabien, sont dans la même veine, ou si c'est une amorce que ce travail de résidence ici à Québec? Il y a plusieurs travaux en cours. Il y a un travail qui est la suite d'une résidence qui a été faite avec l'Institut français en Chine, à Wuhan, où j'ai filmé et enregistré des gens qui me racontent des histoires ou qui m'expliquent des choses autour de la thématique de la ville, de la destruction de la ville au profit de la reconstruction d'une ville, puisque dans des grandes villes comme Wuhan en Chine, on est en train de détruire en permanence pour reconstruire en permanence. C'est une ville qui est un chantier gigantesque, et les gens évidemment ont un ressenti affectif. Je leur ai posé des questions sur ces questions-là, ils m'ont répondu, parfois de manière succincte, parfois de manière très développée, et avec ce qu'ils m'ont dit, puisque vous savez que le chinois est une langue tonalisée, je vais écrire de la musique en partant des quatre tons principaux et du cinquième ton neutre du chinois. Donc ça, c'est un projet en cours. Les autres projets sont un peu tous dans cette même veine. Elles posent la question assez simple, finalement, du comment on dit, qui est vraiment une des bases de la poésie sonore, et je m'amuse évidemment beaucoup à mettre tout ça en musique, en rythme, en timbre, et voilà. Fabien, écoutez, on pourrait parler ensemble, je pense, des heures et des heures. C'était très agréable de vous accueillir et je vous remercie de cette entrevue, et puis tenez-nous au courant si vous revenez à Québec. Avec plaisir d'entendre parler de ce projet avec la Chine. Merci à vous. En pleine révolution industrielle, je suis né. Et juste après, c'est la guerre. Et après la guerre, la reconstruction. Et mon père, d'un coup, il était riche. Je me rappelle qu'il mangeait avec des gens. C'était des gros porcs, des enfants. Il voulait se débarrasser du sens, c'est ça. Il disait eux-mêmes que quand même, on va pas commencer à faire du sens. Plus rien. Je mets des gros porcs, des enfants. Ils se faisaient croire qu'ils pouvaient aller au ciel juste en allant gueuler sur la tombe de leurs parents. Mais tout ce qu'ils ont laissé derrière eux, c'est du vide, des scories, quasiment rien. Et nous, il faut qu'on se démerde avec ça. Elle était là. J'étais là. Ouvre les yeux. Au milieu, comme ça. Je suis là. Elle est là. On se connaît ? Je pense pas. Je crois pas, non. C'est un pote qui m'a présenté Lila. Voilà, je voudrais présenter Lila. Je comprends pas, c'est confus. Faut faire quelque chose pour pas rester là-dessus. Parce que la confusion, c'est la mère de la connerie. T'endors pas. Tout ce que tu croyais savoir, c'est que des mensonges inventés par ta mère pour que tu t'endormes. Et pour le reste, eh ben y a rien d'autre. Il y a une chose. Juste une chose ? Juste une ? Juste une. Oui, mais une comment ? Une qui fout le bordel ? Une qui fout le bordel. Ah ouais ? Ça m'étonne pas. C'est ce truc-là, autour de sa bouche. Dans la télé, c'était... Dans la télé, c'était... Dans la télé, c'était... Une chose, on l'a tous vue. Une chose, on l'a tous vue. Une chose, on l'a tous vue. C'était pas qu'à voir. C'est pas qu'à voir. C'était pas qu'à voir. On a entendu. On a entendu. On a entendu. Ça gagnait. Ça gagnait. Ça gagnait. Ça craquait. Ça craquait. Ça crachait. Ça crachait. Ça crachait. Un enterrement qui venait. Un enterrement qui venait. Un enterrement qui venait. On avait bien entendu. On avait bien entendu. On avait bien entendu. C'était vrai. On avait bien entendu. C'est vrai. C'était dur à venir. Dur à venir. Il y avait des scories. Il y avait des scories. Des scories. Des cendres. Des cendres. Des cendres. Des suspensions. Des suspensions. Des suspensions. On entendait mal. On entendait mal. La maison, on entendait mal. On entendait mal. On entendait mal. On entendait mal. On entendait mal. La maison, non, au fond. Mais dans le fond... Mais dans le fond, on avait compris. On avait compris. On avait compris. Mais dans le fond... Mais dans le fond... Mais dans le fond, on avait compris. On a su. On avait compris. On a su. On a su. On a su. On a su. On a su. Lila vient de s'acheter une nouvelle petite culotte. Problème. Avant même de l'avoir portée, la culotte sent mauvais. Ce n'est ni une odeur corporelle, ni une odeur industrielle, ce qui donne à Lila un sentiment de dégoût d'autant plus fort. C'était le premier jour. Le premier jour. Le tout premier. On avait rendez-vous. C'est ça, rendez-vous. Un rendez-vous. Au coin de la rue. Juste au coin. De la rue. À une heure. Il est une heure. Oui, ça y est. Maintenant. Ben oui. Il est une heure. Pourquoi tu m'appelles ? Maintenant. Pourquoi tu m'appelles maintenant ? Pour me dire quoi ? Qu'est-ce que t'as à dire ? Tu veux dire quelque chose ? Qu'on peut se voir ? C'est-à-dire ? Toi et moi ? Au coin de la rue ? Juste au coin. De la rue. C'est ce qui était prévu. Tu te fous de moi ? C'est ce qu'on avait dit. Mais c'est ce qui était prévu. Donc. Quoi ? Et. Donc. Quoi ? Et. Donc. Quoi ? Et. Donc. Quoi ? Pourquoi tu m'appelles ? Pourquoi t'es pas là ? Directement. Peut-être que t'es en retard. Donc tu m'appelles. Pour dire que t'es en retard. Mais tu le dis pas. Alors ? Tu le dis pas. Là, je t'écoute et tu le dis pas. Tu le dis pas que t'es en retard. Alors quoi ? Tu fais comme si rien. D'accord. On fait comme ça. Comme si de rien. D'accord. On dit rien. On dit rien. J'ai rencontré Lila un jour dans un entrepôt sur les docks. Elle dansait pour les chiens amassés qui la regardaient en bavant. Elle m'a demandé de jouer du tambour pour l'accompagner. Puis nous avons parlé pendant des heures. C'était très naturel. Nous nous sommes raconté nos vies sans avoir besoin de rien nous cacher. Nous marchions vers la sortie quand elle m'a dit qu'elle prendrait bien une bière. C'est elle qui a commencé. À l'arrêt de bus, nous étions tous les deux en train de rire, sans raison, sans motif et sans nous cacher. J'aurais pu l'embrasser à ce moment-là, sans explication. Tout était possible. Dans le bus, nous avons parlé encore et nous avons décidé d'aller manger dans un restaurant indien de sa connaissance. Après avoir commandé, nous sommes sortis dehors pour fumer une cigarette. Un billet pour qu'elle court après un mendiant. Elle riait beaucoup. Nos premiers rituels se sont mis en place ce soir-là. Des mots que nous utilisions plus que nécessaires, les appuyant d'un rire ou d'une intonation forcée. Après le restaurant, nous sommes allés dans un bar de sa connaissance. Il était ouvert toute la nuit, disait-elle. Il y avait du monde. Nous avons trouvé une place inconfortable. Nous avons bu tout de suite des alcools forts. Nous sommes levés pour danser en riant. À la fin de la soirée, je l'ai embrassée sans vraiment l'avoir prévu. Parce qu'il y avait du bruit et que je m'approchais de son oreille pour ne pas avoir à crier. La joue, puis le cou, enfin la bouche. Puis elle a répondu à mes baisers. Nous sommes sortis tard dans la nuit. Nous sommes allés chez moi. Elle a voulu prendre une douche. J'ai dit d'accord. Elle a ajouté ensemble. J'ai découvert son corps dans cette salle de bain, sous le pommeau de la douche. Elle était follement belle, même si nous étions épuisés. Écoute-moi. Le plaisir, quand il y en a assez, en très grande quantité, ça peut faire figure de bonheur. Ça veut dire qu'en accumulant assez de plaisir, on peut s'épargner des années d'études philosophiques et une interminable quête de soi. Crois-moi, une course permanente au plaisir immédiat, fût-il sans lendemain, est un choix de vie non seulement honorable, mais aussi gratifiant. J'ai bien compris la mère qu'on écoute dans un coquillage dans sa main. C'est pas que j'y crois pas. C'est vrai, ça marche. C'est sûr. Écouter la mère dans un coquillage, je veux bien. Je suis d'accord. Mais moi, quand j'écoute une bouteille d'eau de source, à mon oreille, la bouteille, ben, il n'y a pas la montagne. On n'entend pas la montagne. J'aimerais être plus un salaud, penser plus au fric et moins à la philo. Il y a un enterrement. Je veux y aller. Je veux voir Lila. Il me faut un costume. Je vais dans une boutique, mais la vendeuse veut pas que j'essaye un costume. Elle dit que ça m'ira pas. Alors, je demande. Tu demandes. Lequel m'ira pas? Tu demandes. Lequel? Elle dit. Celui que vous avez essayé. Tu réponds. J'en ai pas essayé. Elle dit. Vous n'avez pas trouvé? Tu dis. Non, j'ai pas trouvé. Elle dit. Bah oui, c'est ce que je pensais, ça ne vous va pas. Tu dis. Mais j'en ai essayé aucun, merde! Ce jour-là, j'ai compris que dans le fond, dans le plus profond, ce que je voulais, c'est y aller. À l'enterrement. Dans l'enterrement. Et y rester. Y rester. Et ça, j'y suis prêt depuis longtemps. Lila se prépare à y aller. Le problème, c'est l'odeur de sa culotte. Rien de personnel, c'est une odeur industrielle. C'est pas que je lui ferai pas que je lui ferai pas confiance. Mais parfois, c'est comme. Mais parfois, je c'est sens comme. Je sens comme. Comme s'il disait deux comme choses. Comme s'il disait deux choses. En même temps. En même temps. Mais pas ensemble. Et entre les deux. Entre les deux. C'est comme si parfois. C'est comme si entre les parfois, deux. Entre les deux. Il y avait quelque chose qui manquait. Il y avait quelque chose qui manquait. Et je suis pas capable de dire et quoi. Je suis pas capable de dire quoi. Et quand c'est comme ça. Et quand c'est comme ça. Putain. J'ai la trouille. Lila vient de s'acheter une nouvelle petite culotte. Problème. Avant même de l'avoir portée, la culotte sent mauvais. Ce n'est ni une odeur corporelle, ni une odeur industrielle, ce qui procure à Lila un sentiment de dégoût d'autant plus fort. Alors, je me dirige vers le temple pour l'enterrement, et là, en chemin, je rencontre cet ami. C'est lui le prêtre pour la cérémonie. Mais je sens quelque chose qui me fait drôle, alors je lui demande. Mais t'étais pas une fille, toi, avant? Si, mais il y a longtemps. Ah ouais? C'est marrant. Ouais. Ouais, c'est marrant. Si on veut. Ce pote, c'était un drôle de gars. Je savais qu'il avait été avec Lila. Mais elle... Elle avait peur de lui. Toi, Lila, tu penses toujours que j'aime les huîtres. Impossible de te faire passer l'idée. Et moi, je peux te demander 10 fois où tu as rangé la petite planche à repasser, je ne saurai jamais. C'est comme ça, on ne se comprend pas. Je n'ai que toi, et tu n'as que moi. On est condamnés à veiller l'un sur l'autre, l'un et l'autre désarmés face à la vie. Tous les deux comme tout nus, tout menus. Tout serré. C'est comme si on n'avait pas les moyens. Mais on se marre quand même. Hmm? On se marre, non? Et ce soir, tu vas tellement te marrer que tu vas crever étouffé. J'ai une bonne blague à te faire. Hein, Lila? J'ai une bonne blague! Je suis arrivé au temple. Elle n'était pas là. Tu as cru qu'elle viendrait? Faut pas y compter. Lila, elle est belle à faire tomber les oiseaux, c'est vrai. Mais si tu l'attaches, elle se vomit dessus. Personne ne peut la garder. Personne ne peut la prévoir. Lila, c'est un rêve. Dans une petite veine bleue bas au cou. Et l'enterrement, il commence. Mais la cérémonie, ça va pas. Quand c'est comme ça, quand il y a des signes, on se dit, c'est une fausse alerte. Ça va aller. On se regroupe. On se dit, c'est pas une catastrophe. Comme si ça changeait les choses. Comme si on avait prise. Ça va aller. Ça va aller. Mais ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Ça va pas. Quand les dieux ont créé le temps, ils en ont mis suffisamment. Suffisamment. Du temps. Énormément. Mais pas infiniment. Mais pas infiniment. On aurait couru loin de l'autel, loin du temple, loin de la ville. Mais il y a quelque chose qui jaillit de dessous l'autel et qui se dresse. C'est le démon de l'amour concaténal. Il se tourne vers le prêtre et se met à hurler. Je te préviens, s'il te plaît. Enlève tes doigts de mon cul. Sa parole véridictive résonne dans toute la place. Je me sens, je suis vivant. Regarde-moi comme je ris. Tu vois, je ne peux pas m'arrêter de dire ce que je dis. Pour moi, danser comme un fou et chanter comme un chien. Maintenant, l'ekphrasis devrait commencer. Maintenant, on devrait entendre la description des œuvres du ciel. Ekphrasis de merde! Ekphrasis de merde! Il se répand comme un ver. Il n'y a pas moyen de l'arrêter! Il n'oppose que trois doigts à son pouce. Vous ne pouvez pas, vous, bande de petites putes, vous faites avec moi, votre maître. Tu vas jurer que je suis le chef de vous, sale petit cul mouillé. Tu as besoin de moi, tu ne sais même pas, alors tu vas me faire merci pour toute ton âme. Tu demandes pour ça que je dirige ton cul, tu ne sais pas où tu vas faire quoi. Tu m'élèves, tu me pries, prends-moi à ta maison, fais-moi ton Dieu, donne-moi la vie, donne-moi la vie, donne-moi la vie. Ce qui se passe, je vais te dire ce qui se passe. L'enterrement n'est pas contenu. Il déborde et se dilate. Il commence à lécher les murs, à rogner la ville. Il veut manger la terre. Maintenant, c'est trop tard. Des hommes bien nés dans des costumes parfaits désescaladent les façades des grands immeubles. C'est le chaos en ville. L'air est déchiré. Ça arrache mes poumons. Il faut que j'emmène Lila dehors les murs avant qu'on se noie. Il faut descendre, courir, passer les fortifications, respirer. Lila me regarde, elle sourit. Maintenant, c'est clair qu'elle m'a menti. Elle n'est pas celle qu'elle a prétendu être. Je me rappelle de l'encens autour de sa bouche. La fille dont je tiens la main n'est pas Lila. Je regarde ma main. Personne ne tient ma main. Je suis seul. Je cours. Je suis trop. Je suis plus. Je suis pas. Donne-moi la vie. Je n'ai pas compris ce que m'a dit Lila. Je sais juste que je l'ai perdue et je ne sais pas comment. En réalité. Comme cette maman emportée par la crue d'un typhon et dont la petite fille s'agrippait à son cou, elle raconte que, dans la panique, Elle n'a pas senti le moment où les eaux lui ont arraché la petite et que même, pour être honnête, elle ne se souvient pas vraiment du moment où elle s'en est aperçue. Et que sûrement, puisque les dieux l'ont voulu, elle est une mauvaise mère. Donne-moi la vie. Alors, ce qu'on vient d'entendre, Gaëtan, c'était justement Fabien Maheu. Une œuvre, mon Dieu, qu'il t'a fait parvenir et qui, ma foi, je pense, elle n'a jamais été éditée. C'est presque un inédit. Mm-hmm. Fabien ne l'a pas confirmé de manière aussi certaine, mais il reste que dans l'envoi qu'il m'a fait, il m'a dit qu'il a vraiment travaillé en studio pour, mm-hmm. pour la réalisation de cette pièce qui s'intitule... Ils ont mangé la terre. Donc, un travail qui se distingue du travail qu'ils ont fait ici à Québec là, oui. En novembre, mais qui donne vraiment une très bonne idée de l'univers à la fois littéraire et poétique. Et sonore aussi. Un travail sonore impressionnant tout aussi. Là, toutes les ambiances qu'il y a là-dedans. Il y avait même le tonnerre, il y avait Dieu et tout ça. Tout à fait. Dans un autre registre, maintenant, on va poursuivre avec un duo qu'on a rencontré dans le cadre du mois multi. Il s'agit de L'eau du bain, qui présentait une expérience dite immersive, c'est-à-dire ils avaient installé une cabane dans le parc Saint-Roch, dans la partie où il y a un bassin d'eau habituellement. Et donc, ce duo qui est formé de Dan-Marie Ouellette et de Thomas Sinou, nous a donc reçu dans cette cabane et le projet s'appelait L'eau du bain. L'eau du bain. Et le thème du projet, c'est le son de l'air est froid. Et voilà, c'est le groupe qui s'appelle L'eau du bain. Voilà, le son de l'air est froid. Et c'est le fruit d'une expérience qui a été menée par Anne-Marie et Simon, et Thomas. Pardon, et Thomas sur le lac Saint-Jean, mm-hmm. Parce que la cabane qui a été installée dans le parc Saint-Roch a d'abord été installée sur le lac Saint-Jean, et eux deux ont vécu une expérience à la fois artistique, musicale, sonore, on pourrait même presque dire sentimentale, oui, sur le lac dans cette cabane, et une expérience qui se voulait, la relation en tout cas, la représentation d'une histoire qu'on a racontée d'une femme qui avait un amant dans le village pas très loin, mm-hmm. et qui aurait sombré dans le lac avec cette cabane. Avec la cabane, oui. Ouais. Alors, c'est ce dont on va entendre parler pendant cet entretien qu'on a eu avec tous les deux. Tout à fait. Puis on va entendre en introduction cette narration de cette femme mm-hmm. un peu mystérieuse. Quand il fait vraiment tempête, tout se mélange. Ma cabane, la glace, le ciel, ton corps, le trou. Je comprends alors à quel point on vit dans un trou. Un tout trou. Anne-Marie, Thomas, bienvenue dans votre cabane. Merci, bienvenue à vous. Vous avez appelé votre installation « Le son de l'air est froid ». J'imagine que ça a un lien avec la société d'aujourd'hui. En effet, ça part de. Vous aurez compris que ça part de l'expression « le fond de l'air est froid ». Donc, le son de l'air est froid parce que c'est une installation sonore, essentiellement. Donc, tout ce qui est la cabane est visuelle et physique, mais sinon, tout ce qu'on propose est au niveau du son. Et l'air qui s'écrit avec accent grave, c'est pour deux choses. Premièrement, ça part d'un fait divers d'une femme qui aurait accepté de mourir dans une cabane sur le lac, qui aurait accepté de se laisser immerger dans les eaux glacées. Donc, quelque chose de... Parce qu'elle a décidé de se retirer du monde, en fait. Et là, ce qu'on propose aux spectateurs maintenant, c'est de se retirer du monde, et non pas pour mourir, mais simplement pour écouter les derniers moments de cette femme, et déjà juste pour écouter. Comment on peut, pendant 15 minutes, c'est pas grand-chose dans une vie, 15 minutes, demander à un spectateur de venir dans une cabane ici, au milieu du Jardin Saint-Roch, juste faire ça, écouter. Pour certains, c'est trop long, c'est angoissant, juste parce qu'ils sont tout seuls et qu'ils sont juste sollicités par les oreilles. L'histoire de cette dame, il y a quelqu'un qui est décédé, pas dans cette cabane, mais dans une cabane similaire. Rappelle-moi donc l'histoire. Oui, c'est ça. C'est un fait divers qu'Anne-Marie, elle a entendu quand elle était petite, quand elle habitait au lac. C'était une cabane de pêche qui a été repêchée au printemps, après que les glaces aient été fondues. Une cabane de pêche dans laquelle on a retrouvé le corps d'une femme. Donc personne savait qui c'était cette femme-là. Puis nous, on a décidé de récupérer cette histoire-là pour revivre les moments de cette femme, les derniers jours de cette femme dans cette cabane sur le lac gelé. Donc c'est pour ça qu'on a installé notre cabane. Puis on est allé s'installer sur le lac, on a vécu dans la cabane pour pouvoir enregistrer tous les sons qu'elle pouvait entendre, et aussi pour vivre cette histoire-là. Donc pendant que moi j'enregistrais les sons, Anne-Marie, elle écrivait. De ça est sortie l'installation. Ouais, et en fait, l'histoire de cette femme s'est fondue dans notre histoire d'habitation de la cabane. Parce que si c'est une histoire au départ tragique, moi je l'ai transformée en une jolie histoire. Que cette femme-là, elle faisait juste toute la journée écouter puis attendre que l'homme revienne. C'était la cabane de l'homme. En fait, l'histoire veut que c'était la maîtresse de l'homme et que tout le monde savait c'était qui cette femme-là, mais tout le monde disait à la police, on ne sait pas, parce que l'homme était marié. Mm-hmm. Et que moi, j'ai imaginé, c'est ça, que lui, il va au village, il va dans sa famille, il va acheter de la bière, puis elle a fait juste s'étendre sur la banquette et écouter et attendre sa venue. Et moi, je faisais ça un peu parce que Thomas, il enregistrait tout le paysage sonore, donc j'étais obligée de me fermer la gueule et de me coucher sur la banquette et de l'écouter. Donc, de cette espèce d'attente qui peut être vu négativement, attendre l'homme. Moi, j'en ai fait une expérience très agréable. Et c'est ça aussi, c'est une espèce de comment on interprète les choses, ça change complètement l'expérience. Et les sons qu'on entend, ce sont donc les sons que toi, Thomas, tu as enregistrés. Et c'est quoi tout le paysage sonore sur le lac Saint-Jean ou dans un autre lieu que vous avez choisi? Non, tout a été enregistré sur le lac pendant qu'on vivait dans cette cabane-là. Donc tous les sons qu'on entend, c'est les sons qu'on entendait pendant qu'on était sur le lac. Donc c'est vraiment, on essaye de prendre le spectateur et de l'insérer dans notre univers d'écoute à nous. Donc c'est ça. Il y a une perception qui est corporelle aussi. On sent vibrer le plancher. Est-ce que je rêve ou si on a vraiment l'impression de sentir les modulations de la glace ou quelque chose comme ça? Oui, exactement. En fait, tous les sons sont retransmis pas par des haut-parleurs traditionnels, mais par des transducteurs solidiens. Donc c'est des petits appareils qui font vibrer les objets, qui font vibrer la cabane. Donc la cabane retransmet le son parce qu'elle vibre. Et donc c'est comme ça qu'on peut ressentir vraiment tout ce qui vit et qui permet vraiment de faire en sorte que la cabane devienne réellement vivante et ça permet vraiment de faire sortir le spectateur de son environnement urbain et de l'intégrer dans un environnement qui est complètement différent. Et aussi, quand la glace craque, la cabane vibre vraiment. Donc, la première fois qu'on a entendu ça, on a été vraiment saisis. Et c'est ce qu'on. Ici, là, il y a des shakers qui font trembler le sol pour reproduire. Ah, là, ça vient de se passer. Il y a le train qu'on entend aussi. Oui, oui, parce qu'il y a un train qui passe proche du lac. Donc, c'est quand le vent est dans la bonne direction, on entend le train. Mm-hmm. On attendait le train de la cabane. Dépendamment du vent, ce qu'on recevait, des fois, on pouvait recevoir la route. Et il y a des jours où on avait vraiment l'impression de rien. Ben moi, j'arrivais à rien entendre. J'étais vraiment essayé d'entendre le moindre son quand le poêle était éteint. Sinon, le poêle, ça prend beaucoup de place dans l'environnement sonore. Mais vraiment, c'est la première fois de ma vie où j'ai eu cette illusion de silence aussi forte. Est-ce que vous avez, et l'expérience que vous proposez aux visiteurs, aux personnes qui viennent ici, c'est donc de vivre un 15 minutes de temps, genre de temps réel que vous avez vécu, vous, au Lac-Saint-Jean? C'est ça. C'est un 15 minutes. On leur dit, quand on les accueille, on leur dit, cette cabane est la vôtre pendant 15 minutes. Faites comme chez vous. Et ils vont entendre le paysage sonore qu'on attendait. On a un peu créé une petite courbe dramatique, mais très, très mince. Mm-hmm. Là, on n'est pas non plus dans la narration, mais pour qu'il y ait quand même un début de tempête et tout ça. Donc, c'est un 15 minutes condensées d'une journée, disons. Ouais, ouais. Donc, vous avez créé un contexte, une ambiance dramatique pour que la personne le prenne du début à la fin. Il y a comme, c'est pour ça qu'il faut que les gens passent 15 minutes. Ils ne peuvent pas arriver en plein milieu du parcours. C'est ça. C'est en plein ça. C'est 15 minutes. Donc, c'est une boucle qui commence à 0, puis à 15, puis à 30. Donc, les gens, ils peuvent réserver leur plage horaire en ligne aussi. Comme ça, ils arrivent, puis la cabane est là pour eux, puis ils n'ont pas besoin d'attendre, parce que 15 minutes par personne, ça crée vite de l'attente, même s'il n'y a pas full. C'est la motoneige qui arrive. C'est ça. C'est l'homme qui revient du village. Le party va commencer. Oui. On peut appeler ça comme ça, oui. Est-ce que c'est le dans votre pratique, ça se situe comment, ce type de travail-là? Thomas et moi, on travaille dans le domaine du théâtre. On travaillait surtout dans le domaine du théâtre. Et ça, c'est notre première œuvre sans acteur. En fait, on s'est débarrassé peu à peu de l'acteur, je dis en riant, parce qu'on a travaillé avec des adolescents non-acteurs, là, on travaille avec des personnes âgées non-acteurs, mais là, il n'y a pas d'acteur, ni amateur, ni professionnel, et l'idée, c'était que le spectateur soit au cœur de la fable, qu'il devienne l'acteur, ou en tout cas le corps convecteur de la narration. Ça nous a assez plu, je pense qu'on va continuer de faire des installations sonores, parce que Thomas et musicien concepteur sonore. Moi, j'écris, je suis un peu plutôt du côté de la mise en scène du théâtre. Et pour moi, c'est complètement théâtral, même s'il n'y a pas d'acteur. En fait, on a beaucoup été influencé par les artistes Janet Cardiff et George Miller, qui, une fois qu'on est allé voir une expo à Toronto, puis j'ai eu l'impression que c'est la chose la plus théâtrale que j'avais vue depuis un long moment. Leur storeroom, qui est une roulotte de chantier, puis t'as pas besoin d'humain, t'as pas besoin d'histoire pour que le théâtre, la théâtralité soit là. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre? On vient d'entendre le vent qui s'est transformé petit à petit, qui s'est musicalisé, qui donne une ambiance dramatique, en fait, à cette fin de tempête-là, qui permet vraiment de soulever le spectateur dans un monde plus onirique, puis un petit peu moins réaliste. C'est peut-être le seul moment où, justement, les sons concrets qu'on a enregistrés se modifient réellement pour devenir autre chose. Il y a eu un travail sur le son. Non? Oui, oui, oui, vraiment. Ça, c'est la fin aussi. C'est la fin de la boucle. Donc, on s'est permis, Thomas s'est permis de musicaliser un petit peu pour évoquer la peut-être mort ou la peut-être copulation, en tout cas, quelque chose d'un peu plus narratif, dramatique. Anne-Marie, pendant que Thomas fait le son, toi, tu écris. Et qu'est-ce que nous raconte cette femme à travers toi? Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Je vais prendre mon cahier. J'écrivais, c'est ça, l'histoire de cette femme, de ses derniers moments, donc ses marches sur le lac, son attente de l'homme, son... D'ici, l'agitation des hommes me paraît d'autant plus dérisoire. Puis après, elle dit, je ris de mon air de vieux sage en bobette. Donc pour moi, c'est un peu une bouddhiste avant, qui connaît pas le mot bouddhiste, un peu, cette acceptation-là du plan. Elle nous raconte comment ils se seraient rencontrés dans un bar pas loin, qu'elle l'aurait suivi sur son skidoo à la fermeture du bar, comme ça, juste. Elle nous raconte aussi, elle va nous parler de ce que c'est d'écouter, de comment le désir de l'écoute, comment ça peut éveiller le corps. Et c'est ce qu'on fait, je partais de ce qu'on faisait, réellement, puis là, je glissais dans la fiction, en fait. J'ai écrit aussi en marchant sur le lac avec un petit enregistreur à cassette. Donc, je marchais, je parlais, après j'écoutais, je retranscrivais. Et ces cahiers dans lesquels tu écrivais, ils sont disponibles pour la personne qui vit l'expérience et peut vivre ces cahiers, peut voir ces cahiers Canada qui sont ici, où tu as écrit. Oui, oui. Impudiquement, je les laisse traîner. On laisse traîner aussi un peu des bossales, puis pour vraiment donner l'impression. Ben, en tout cas, la cabane, elle a vraiment l'air de ce qu'elle avait l'air quand on y habitait, sauf que là, elle est trafiquée un petit peu, mais... Et donc, les gens, ils peuvent le lire. Puis, suite à ça, on a produit un livre aussi avec des photos et puis le texte qui a été retravaillé un petit peu, donc dans une facture un peu plus littéraire que les vieux cahiers Canada ici. Donc, on revient à l'idée que cette expérience-là, il faut la vivre, il faut prendre le temps de s'arrêter dans un monde où on a de la difficulté à s'arrêter. Donc, c'est un peu ça que vous offrez. Est-ce que c'est toujours ce type d'expérience-là que vous proposez aux gens ou c'est la première fois dans votre travail que vous explorez ce type d'expérience? Sous cette forme-là, c'est la première fois, mais travailler, éveiller l'écoute, ça, on le fait constamment, en fait, en jouant, même dans nos pièces de théâtre, en jouant sur les niveaux, passer du murmure pour aller jusqu'au brouhaha, demander une écoute exacerbée, puisque on travaille très peu avec de la vidéo, avec des scénographies assez simples, donc c'est des corps et des sons. Simplement. Oui, c'est ça, simplement. Parce que, on écoute, là, on passe notre vie, on peut pas, on le sait très bien, on peut pas fermer nos oreilles alors qu'on peut fermer nos yeux, on écoute constamment, mais les gens, ils conscientisent beaucoup moins l'écoute que la vue. Et souvent, ils se rendent, c'est fascinant comment ils se rendent pas compte de ce qu'ils ont entendu, mais on le sait que le son a un pouvoir fort sur l'émotivité. Mais moi, le son est beaucoup plus sournois que la vue, il te prend par derrière, puis... Ben, merci beaucoup, Anne-Marie et Thomas. C'était une belle expérience et puis à la prochaine. Merci à vous. Alors, sur cette aire de vent qu'on va se laisser, chers auditeurs, c'était donc l'eau du bain et précédé par, en première demi-heure, par une entrevue avec Fabien Maheu. Donc, deux entrevues où l'aspect théâtral était important. Il n'y a pas d'hasard. Oui, tout à fait. Donc, des personnages un peu évanescents, mais très, très intenses. Alors, on va se laisser là-dessus. Et on vous dit à la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous vous présenterons une compilation d'œuvres sonores qui a été produite par un organisme qui s'appelle Cité Sonique. Nous ne serons pas en onde nous-mêmes, mais nous allons vous présenter cette compilation-là la semaine prochaine par personne interposée. Et la semaine suivante, ben, c'est le Radioton. Donc, nous serons avec vous en direct dans 2 semaines. Alors, on vous dit bonne Pâques et bon Radioton. Et à la prochaine. Cette émission vous a été présentée par Avatar, Centre d'artistes de Québec, spécialisé dans la recherche, en art audio et la diffusion d'art audio et électronique.